Audiomatique. Pour la transmission 305 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe new-yorkais Interpol et la chanson Leif Erikson qui conclut leur premier album studio Turn On the Bright Lights, paru en 2002. À Audiomatique, il est avant tout et surtout question de son. C'est pourquoi les sonoristes vous présentent une pièce du compositeur Morten Subotnick qui nous livre justement une juxtaposition cohérente de sons réalisés en 1967 grâce à son système électronique modulaire.

Audiomatic, cette séquence sonore était composée d'une seule pièce, à savoir la deuxième partie de l'œuvre Silver Apples of the Moon, réalisée en 1967 par Morton Subotnick. Cette pièce a été créée grâce à un système électronique modulaire, soit une machine permettant de composer de la musique électronique qui a été construite par Morton Subotnick, aidé de deux collègues du San Francisco Tape Music Center, à savoir Donald Bushla et Ramon Sender. L'idée était d'avoir un système permettant de générer une configuration de son à travers le temps en interconnectant divers oscillateurs de tension. Cela permettait de produire une série d'occurrences sonores à la fois simultanées et programmées dans le temps, sans toutefois que le compositeur ait l'idée exacte des sons qui allaient être générés par le système. En bref, le système, qui est une forme plus évoluée de l'oscillateur commandé en tension créé par Harald Budd en 1961, permettait de contrôler une certaine forme d'aléatoire. Quelques années plus tard, un autre outil de création électronique plus convivial allait être mis sur le marché par Robert Moog. Il s'agit bien évidemment du fameux synthétiseur modulaire Moog. C'est avec le projet canadien Conjure One que les sonoristes vous convient à la suite d'Audiomatic. Thank you. Audiomatic, nous vous avons offert le projet canadien Conjure One, mené par Rhys Falber, bien connu en plus de sa carrière solo pour sa participation au groupe Frontline Assembly et Delirium et pour son travail de production pour une panoplie de groupes et d'artistes. Du premier album homonyme de Conjure One paru en 2002, nous vous présentions la pièce Redemption, remixée ici par Max Graham, sous le nom de Dead Sea Mix. Cette version apparaît sur la version limitée de l'album homonyme de Conjure One. Audiomatique se poursuit avec The Future Sound of London. je sais pas. À Audiomatic, cette séquence de deux pièces se concluait sur la musique de la formation Otaker et la pièce Under BOAC tirée de l'album LP5 sorti en 1998. Soulignons au passage que Otaker va sortir un nouvel album intitulé Sign en octobre prochain. Et avant cela, nous entendions The Future Sound of London et la pièce Voodoo Doll apparaissant sur l'album Yage 2019. C'est au duo canadien Delirium, formé de Bill Leeb et Rhys Fulber, que revient la responsabilité de conclure cette transmission 305 d'Audiomatic avec sa composition Desert, que l'on peut retrouver sur quelques compilations, dont la compilation Cryogenic Studios, parue en 1998. La transmission 306 d'Audiomatic sera lancée dans l'univers mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est fou 89.1 FM pour ensuite trouver un ancrage éternel dans le cyberespace sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Delirium et la pièce Desert. C'était Audiomatic avec les sonoristes.